des temps, Radio Audio. Direction la Nouvelle-Orléans. Chawa, c'est un groupe fortement inspiré par les traditions des Mardi Gras. C'est lorsque les communautés afro-américaines s'en retrouvent et célèbrent une culture musicale ultra-festive. Et Chawa combine cette tradition avec le funk vintage, le brass band et le jazz. Sin both night and day. Bien sûr, vous pouvez croire un homme qui porte la moustache. C'est aussi le nom d'un label fan d'Electro House et d'Italo Disco. Nous sommes à Rotterdam, nous sommes en 2022 et c'est le climax de ce You Can Trust a Man with a Moustache. We'll be right back. La nuit des temps, l'international de la danse. Mystérieux et anonyme, il joue dans les clubs à Londres. Voici Tuchel, et ce n'est que poussière. Première diva à être emportée officiellement par le SIDA le 6 août 1983. Il est remixé ici génialement par Arnaud Robotini, la chanson froide, le performeur Klaus Nomi. La nuit des temps, Radio Audio. Una satsuma para el alma, una maracuyá para los pensamientos más claros que un sol poniéndose en el horizonte. Un mango para las piernas, para que sobrevivan a las noches de baile. Un pomelo para las nuevas amistades, un deseo de comer a alguien como una fruta. Un plátano mezclado con chile, bébeme, bébeme, grita en medianoche. Un efio y una la paz, por intentar ser frutas, intentar encajar, lleno de dolor, lleno de pureza, lleno de stutzi. Por fin, una papaya para activar las cuerdas vocales, un olor funky, una batalla perdida con el mango, un stutzi en estado de disolución. Que haya baile, susurra alguien stutzi, alguien susurra stutzi, stutzi. Danos Le Fruit Disco. Le Fruit Disco. se demande si ce son n'était pas généré par de l'IA. En tout cas, ça vient du Japon et ça nous a bien fait gamberger. Plus que Jimmy Tenor, bien humain et vieux compagnon de route de la nuit des temps, Life Hugger. Et nous sommes très 2023, ce soir, sur Dio. La nuit des temps, l'international de la danse. C'est notre powerplay de la semaine, Klaus Nomi. Last dance, let the entire cast dance. l'expression de la côte californienne par un petit Frenchie et de Lou Reed aussi. Michel Polnareff, nous sommes en 1981. C'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Un club ce soir plus magnétique que d'habitude, très 2023, un peu cabaret, un peu diva, disons-le. 80s en reprise aussi, voire avec une touche de cette satanéia, un peu de brass band et de la moustache dans l'italo disco. Et sur notre dance floor, nous avons reçu les mille délices de Scary Pocket et son indomptable reprise d'Electric Field et MGMT. Chawa nous a emmenés dans les Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans et les Harlem Gospel Travelers nous ont dit « Look up, look up ». John Noceda a fabriqué son climax. Touchel a fait les poussières. Klaus Nomi nous a rappelé son courage et ses performances. Oh, oh, oh, nous a fait douter de son humanité. Jimmy Tenor nous a rassuré, lui, sur l'humanité. Fred Palem et le sacre du tympan ont pris leur envol avec la musique de François de Roubaix. Et puis tiens, Michel Polnareff dans les années 80, qui n'était pas encore tout à fait cuit, recuit et re-recuit. On sort de notre bon vieux club. Les lourdes portes de la nuit des temps se referment, avec sous nos yeux un ciel grandiose et magnifique qui nous tend ses étoiles. Dans quelques instants, la rage, la joie, le courage, et vous pouvez mettre ça dans l'ordre que vous voulez, ça fonctionne. La joie, la rage et la courage, et les étoiles sont là pour vous, elles sont là pour nous, et prolonger cette soirée. Avec quelques bonus de la nuit des temps, le temps que tout le monde s'installe. Vous êtes en direct sur Duo. Il est bientôt 22h. Buona notte. Salut.